j'ai gardé l'espoir, mais tu as tourné la page. Je continue de croire que ce n'était qu'un passage. Moi j'ai choisi de voir le ciel après l'orage. Tu sais que on s'entête, on se cherche. Je sais bien que tu m'en veux. Je sais que tu m'en veux. On était tous les deux. Je suis resté silencieux. Oui, resté silencieux. Le cœur coupé en deux. Mais de l'amour si tu en veux. Le cœur coupé en deux, mais de l'amour si tu en veux.